Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes forcé de vivre. La santé, c'est un esprit sain dans un corps sain. À bras le corps. Bonjour mes chers auditeurs et bienvenue dans ce nouvel épisode d'À bras le corps, le podcast qui déconstruit nos rapports au corps. Nous poursuivons aujourd'hui nos réflexions autour des rapports à la ou aux maternités au pluriel. Dans cet épisode, nous allons interroger les questions relatives au non-désir d'enfant. Comme évoqué dans le podcast introductif précédent, l'un des mots d'ordre des mouvements de libération sexuelle des années 70 était « un enfant quand je veux, si je veux ». Depuis, plusieurs paroles sont venues un peu questionner les injonctions à la maternité en revendiquant un choix de ne pas faire ou avoir d'enfant. Depuis le Royaume-Uni, un mouvement autoproclamé « child free » a pris de plus en plus d'ampleur, s'étendant à d'autres pays occidentaux. Le terme de « child free » s'oppose à celui de « childless », désignant littéralement les « sans-enfants ». Le terme « free », libre en anglais, prend le contre-pied de « less », qui est le manque, et donc de cette idée négative que véhiculerait « childless » pour prôner plutôt un aspect positif de cette situation. Alors que « childless » renvoie davantage aux personnes qui auraient souhaité avoir des enfants mais ne le peuvent pas, les « child free » mettent en avant la dimension de liberté qu'il peut y avoir à ne pas avoir d'enfants avec tout le lot de responsabilités que cela implique. La sociologue Anne Gottman a ainsi étudié les mouvements activistes anglo-saxons qui, dans la lignée des mouvements des années 70, ont constitué des associations, des collectifs et des forums de soutien. Certaines de ces organisations mettent en avant des arguments plutôt écologistes, tels que la National Organization for No Parents. À l'instar des positions prônées par certains mouvements écoféministes, et notamment des grèves de ventre organisées dans les années 70 au Royaume-Uni ou en France avec Françoise de Beaune par exemple, le choix de ne pas avoir d'enfant rejoint l'analyse faite de l'épuisement des ressources continuellement provoquées par les États occidentaux depuis la Renaissance et exacerbée par l'expansion de la société de consommation. En s'appuyant sur le rapport Meadows de 1972, l'idée est de stopper une reproduction occidentale dont le mode de vie fait courir l'humanité à sa perte. Si certains de ces mouvements écologistes voient la grève des ventres comme un moyen de régulation ou d'opposition au système capitaliste et néocolonialiste, d'autres se revendiquent d'une écologie radicale, comme le Voluntary Human Extinction Movement, et vont même jusqu'à se dire favorables à un suicide de l'espèce humaine par l'arrêt total de sa reproduction, affirmant que la planète se porterait bien mieux sans les êtres humains. What's wrong with curing malaria? Or don't you want to make the world a better place? Let me explain something to you. The sun throws a certain amount of energy onto this planet. We turn it into food, clothing, shelter, etc. It supports an amount of us, and it took 30,000 years for that amount to become 1 billion. Then we found a way to use ancient sunlight, sunlight trapped in oil and coal. We started to live off that. What happened? In just 130 years, our population doubled. The next billion took 30 years. The fourth billion has taken just 14. So here's the question. What do you think is going to happen when that oil and coal runs out in, say, 100 years? When there's 10 billion living on a planet that can support only one? I think we're going to tear each other to shreds. At last, someone with an ounce of fucking brain. Malaria? The only disease that needs curing is us. Série Utopia de Denise Kelly, saison 2, épisode 1, au commencement. Ces positions idéologiques, souvent pointées du doigt par des natalistes paniqués, n'est néanmoins pas l'idée dominante chez toutes les organisations child-free et encore moins chez toutes les personnes qui expliquent ne pas vouloir d'enfants. Dans son livre Childless Revolution, sorti en 2003, Madeleine Kern plaide pour que le non-désir d'enfant soit pris au sérieux comme étant le fruit d'un véritable discernement et non d'un simple style de vie. Des journées telles que la Journée internationale des Child Free ont émergé pour célébrer la légitimité du non-désir d'enfant. La lauréate de cette journée internationale en 2014 a même plaidé pour que le mode de vie sans enfant fasse partie de l'enseignement au même titre que l'éducation à la parentalité. Des fêtes ont également vu le jour, comme la fête des non-parents en Europe, ainsi que des sites internet tels que le Cleveland The Not Mom, cherchant, je cite, à célébrer les femmes sans enfants par choix ou par hasard et explorer les dimensions spécifiques de leur vie. certains forums, tels que No Kidding, ont acquis une audience internationale. Ce dernier, comme de nombreux autres, affiche leur souhait de rester des espaces non mixtes, focalisant sur l'échange d'expériences entre personnes concernées, afin de ne pas se convertir en énième lieu de sensibilisation forcée auprès de personnes extérieures, sollicitant encore et toujours des justifications sur leurs choix, voire s'incrustant sur ces sites par une curiosité déplacée. Néanmoins, tous ces mouvements restent relativement à la marge des positions dominantes dans les espaces et opinions publiques occidentales, où la maternité et le désir de maternité restent la norme. En France, une enquête de l'Institut national d'études démographiques, l'INED, de 2014, recensait 6,3% des hommes expliquant ne pas avoir d'enfants, pour 4,3% de femmes déclarant ne pas avoir d'enfants et ne pas en vouloir. Toutefois, l'absence de statistiques ethniques en France ne nous permet pas d'étudier la distribution de ce rapport au désir de maternité selon les catégories de classe, de race, etc. L'étude ne permet pas non plus de comprendre de manière plus approfondie les diverses motivations de ces personnes, à quel point celles-ci peuvent être ou non fortuites, si elles divergent selon le genre des personnes et selon les situations relationnelles, célibat, couple hétéro ou homo, etc. Un peu de contexte. Je suis un homme cis, hétérosexuel de bientôt 30 ans. J'ai grandi dans un milieu familial prolétaire. Parents divorcés lorsque j'avais 9 ans, j'ai deux petits frères et un très jeune demi-frère. Je me rappelle peu avoir subi des injonctions à procréer. Bien entendu, j'ai le droit, comme quasiment tout le monde, au « tu verras quand tu auras des enfants » et ses dérivés. Mais je pense que si je remontais le fil de ma vie, je pourrais les compter sur les doigts de mes mains. Sans doute dû au fait de ma condition d'homme. Lorsque j'étais encore qu'un enfant, il me semblait admis, enfin évident que j'en aurais plus tard. Par conformisme, sûrement. Dans ma famille proche, un seul de mes oncles n'avait pas d'enfant, malgré un âge bien avancé. Je suppose que je le voyais comme une sorte d'anomalie statistique. Et puis, en grandissant, je constatais que j'avais plus en commun avec ce même oncle, sur la question de parentalité, qu'avec le reste de mes proches. Je me voyais davantage devenir un bon vivant, avec de nombreux amis, une famille choisie et non tissée par les sacro-saints liens du sang. La question est revenue sur le tapis un peu plus tard, au cours de ma première relation amoureuse, longue. Entre mes 17 et 21 ans, j'étais en couple avec une personne qui souhaitait ardemment avoir des enfants, une équipe de foot, me disait-elle. Au début, ne souhaitant pas perdre son amour, je jouais la carte de la lâcheté. Plus tard, on est encore jeune, ou encore il faut d'abord qu'on pense à nos études, lui laissant miroiter l'idée que dans un futur je serai prêt. J'ai même brièvement réussi à m'auto-convaincre que l'envie pourrait survenir un jour. Et puis avec le temps, ne me sentant toujours pas attirée par l'idée d'être papa, j'ai commencé à lui faire comprendre qu'il était peu probable qu'un jour j'aurais envie de l'être. Jusqu'à lui dire cache que non, jamais je ne voudrais d'enfant. Je suppose que c'est un des facteurs prédominants de notre rupture. À partir du moment où j'étais majeure, ma famille essayait de savoir c'est pour quand ? Mais devant mon désintérêt manifeste pour la question, elles ont fini par lâcher l'affaire. Il faut dire aussi qu'à l'époque, mes parents ne semblaient pas pressés d'être grands-parents. Je suis encore trop jeune pour être grand-père-mère. Aujourd'hui, mon frère est papa, depuis bientôt un an. Alors la pression sociale à leur donner des petits-enfants n'a même pas eu le temps de s'installer. De plus, j'ai la chance d'avoir autour de moi un nombre d'amis qui ne veulent pas d'enfants, voire qui combattent les injonctions inhérentes de la société à en faire. En résumé, j'ai su relativement tôt que je n'aurais pas ce désir de parentalité, et mon cercle relationnel ne m'a globalement pas beaucoup poussé à réfléchir davantage à la question. Et si j'étais née avec un utérus ? J'ai tendance à penser que les choses auraient pris une tournure bien différente. Comme évoqué dans l'épisode précédent, à titre personnel, j'affirme ne pas vouloir d'enfant. Je me réserve encore la possibilité de changer d'avis, car oui, je suis un être libre, mais plus les années avancent, plus je me convainc plutôt du contraire. Quand il arrive sur la table, le sujet choque rarement mes amis, issus de la même génération. Même si pour la plupart d'entre elles, la maternité reste dans leur projet de vie, ma préférence leur semble généralement aussi valable qu'une autre. Vis-à-vis de personnes de générations plus âgées, mon choix suscite souvent davantage d'interrogations. Même si je n'ai jamais eu à me plaindre d'un rejet ou d'une critique vraiment acerbe, beaucoup ne comprennent pas vraiment ce choix. Le plus souvent, si elles ne le remettent pas en question, leur question laisse entendre qu'elles sont intimement convaincues que cette décision n'est que temporaire, ou bien le résultat d'un problème, d'une phobie, voire d'un traumatisme, bref, de quelque chose de vraiment anormal et d'ordre psychologique. De mon côté, j'ai toujours eu du mal à comprendre comment autant de gens pouvaient être si sûrs de vouloir des enfants. Avant d'expliciter mon propre désintérêt pour la maternité, Voici le témoignage d'une autre personne assignée femme à la naissance, qui elle non plus ne souhaite pas d'enfant. Pour ce témoignage, je vais parler en mon nom, même si mon compagnon partage la plupart de mes points de vue sur la parentalité. Alors voilà, je suis une femme, cisgenre, hétérosexuelle de 25 ans, et je ne souhaite pas avoir d'enfant. Pour moi, ce non-désir d'enfant est arrivé peu après la naissance de mon frère. Nous avons 5 ans d'écart. Pendant la seconde grossesse de ma mère, je me suis intéressée à ce qu'il se passait dans son ventre. Comment ça fonctionnait? Comment un petit frère pouvait grandir dans son ventre? Même si on m'avait expliqué à base de graines plantées par mon papa, dans ma maman, j'ignorais tout de comment une petite graine pouvait grandir dans un ventre sans lumière. Heureusement pour moi, ma mère avait conservé ses anciens livres de grossesse et je me suis totalement surdocumentée sur comment cette graine insignifiante allait devenir la crapule qu'il est aujourd'hui, mon frère. Je me rappelle de ces schémas étranges et fascinants où l'on voyait une femme coupée en deux dans le sens de la hauteur avec ce futur bébé qui grandit dans son ventre. Je trouvais ça incroyable et un peu répugnant, un peu comme lorsqu'on perce un bouton. C'est satisfaisant, mais un peu dégueu. Mon frère est ensuite né. J'ai appris par la suite que plusieurs graines n'avaient pas abouti à un bébé pour ma maman et que mon frère était donc un miracle arrivé 3 ans trop tard. Depuis ce moment-là, j'ai réalisé que je n'avais aucune envie de fabriquer un bébé et encore moins qu'un papa me donne une graine. Puis j'ai grandi, bercée par des contes de fées où un valeureux prince venait sauver la princesse et eurent beaucoup d'enfants. Même si cette fin était pour moi un peu bête, l'idée d'avoir des enfants pour être une femme s'est insidieusement insinuée dans ma tête et que c'était un aboutissement à ma vie. J'ai encore grandi, la théorie s'est affinée et la contraception est apparue dans ma vie comme un choix d'avoir l'occasion de quand on veut avoir un enfant. Bonne nouvelle, je ne suis pas obligée de tomber enceinte lors d'un rapport sexuel. Je voyais bien autour de moi mes amies planifier l'âge vers lequel elles espéraient tomber enceinte. Pour ma part, je me disais que c'était sûrement un retard, et comme on me l'avait souvent répété, « Ça viendra quand tu seras prête !» Les années ont passé avec plus ou moins d'hommes et de femmes dans mon lit, et dans ma vie. Mais depuis quelques années, malgré des relations sérieuses, l'envie de porter un enfant n'est pas là, et même l'idée ne me plaît vraiment pas. Depuis un an, il y a un véritable baby-boom autour de moi. Des amis qui tombent enceintes, comme dans leurs rêves, et des merveilleux bambins qui popent autour de moi. Mais je n'en ai toujours pas envie, malgré l'amour que je ressens pour les rejetons de mes amis et le bonheur qu'ils apportent dans leur vie. Grâce à d'autres amis, j'ai pris conscience qu'avoir des enfants n'était pas une condition pour être une vraie femme, que mon non-désir d'enfant n'était pas un cas isolé, mais un choix dans sa vie, et que c'était mon choix et celui de personne d'autre. J'ai aussi pris conscience, malgré la bienveillance de mes amis, que tout le reste du monde ne comprendrait pas ce choix. Je pourrais vous parler pendant des heures des violences médicales que j'ai subies parce que je voulais me faire poser un stérilet en tant que contraception, même si je n'avais pas eu d'enfant. Je me rappelle de mots très durs d'un gynécologue qui me dit que de toute façon, je suis trop jeune pour dire que je ne veux pas d'enfant et que plus tard, je le regretterai ou que si j'ai des règles douloureuses, c'est parce que mon utérus est vide et qu'il manifeste un besoin d'enfant. Si, si, je vous jure. Je me rappelle chacun des 5 gynécologues que j'ai pu consulter et d'où je suis repartie en larmes après n'avoir eu qu'un court entretien verbal avec eux. Par chance, j'ai rencontré ma gynécologue, une femme féministe incroyable, qui a bien sûr accepté de me poser un stérilet, mais qui en plus m'a écoutée, ne m'a pas jugée sur mon nombre de partenaires sexuels et a été très douce, en plus de m'expliquer toutes les démarches de façon très professionnelle. Aujourd'hui, j'ai le sursis du dispositif intra-utérin, mais rien de définitif. Pour continuer de parler de ces violences, je les ai vécues de plein fouet lorsque j'ai commencé à travailler dans une boîte. Je suis la plus jeune là-bas, entourée de maman et papa, ayant chacun leur vécu et leurs expériences en la matière. Forcément, elles n'ont pas mis longtemps à découvrir que je n'avais pas d'enfant et qu'en plus, je n'en voulais pas. Alors j'ai eu le droit à toutes ces phrases. Mais tu verras plus tard. Un enfant, ça te change la vie, c'est merveilleux. Tu as pensé à toutes ces femmes qui ne peuvent pas en avoir. Moi, sans mon ou mes enfants, je ne suis rien. Fais attention, ton horloge biologique tourne. J'étais comme toi avant, mais maintenant que j'ai 2 enfants, je me dis que j'étais idiote et que c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Mais t'es malade, tu verras ton compagnon dans 5 ans, voudra des enfants, et tu te retrouveras toute seule. La seule réponse que je peux désormais répondre face à ces inepties, c'est non. Quand je vois leurs angoisses, leurs cernes face au manque de sommeil, leur comportement, plus récemment, leur obligation de rester auprès de leurs enfants malades ou de manquer le travail parce qu'il y a le confinement et d'être obligée de faire l'école à la maison, quand j'entends qu'une collègue est ravie d'avoir eu un garçon parce qu'elle n'aurait pas supporté de voir son hypothétique fille coucher avec un garçon et qu'elle aurait dû attendre le garçon avec le fusil, quand je vois le monde baigné dans cette culture du viol, dans cette société patriarcale et ceux qu'ils en font de leurs gosses, je suis très heureuse de cette décision de ne pas reproduire ce que j'appelle des erreurs d'éducation. J'ai vu ça de mes yeux lorsque j'ai travaillé au centre de loisirs associé à l'école avec des élèves de primaire. C'est fou à quel point les enfants sont des éponges et qui s'imprègnent des faits et gestes de leurs parents. Et c'est encore plus désolant de voir à quel point les parents reproduisent tout ce qu'il y a de plus mauvais dans cette société. Je ne dis pas que des parents tolérants, bienveillants, éduqués et conscients n'existent pas. Au contraire, je sais qu'il y a des parents attentifs et éveillés qui font d'autres erreurs, ce qui est à mon sens obligatoire, mais ne participent pas à celles-ci. Mais dans ce que j'ai pu percevoir, ces parents-là semblent bien rares. Alors oui, je ne veux pas d'enfants. Je suis désolée pour toutes ces femmes qui en veulent et qui ne peuvent pas en avoir. Mon horloge biologique n'a pas fini de tourner, et ce n'est pas grave. Non, je ne participerai pas à élever mon enfant dans cette société. Mon non-désir d'enfant est une angoisse que pour les autres. Personnellement, je ne tiens pas à sacrifier mon sommeil, mon corps, mon énergie, mes vacances tranquilles ou mon travail pour ça. Même si je suis consciente que des parents font des enfants en pleine connaissance de cause, ce n'est pas pour moi. Si l'on ne voit pas pleurer les poissons qui sont dans l'eau profonde, c'est que jamais quand ils sont polissons, leur maman ne les gronde. Quand ils s'oublient à faire pipi au lit, ou bien sur leurs chaussettes, ou à cracher comme des papolis, elles restent muettes. La maman des poissons, elle est bien gentille, elle ne leur fait jamais la vie, ne leur fait jamais de tartines. Ils mangent quand ils ont envie et quand ça a dîné sardine. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils. Ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille, et moi je l'aime bien avec du citron. Pour moi, ne pas devenir mère constitue vraiment une liberté. À tous celles qui m'expliquent que la maternité serait un accomplissement, je réponds que je ne ressens absolument pas le besoin de déformer mon corps et de m'engager dans l'éducation et le soin quotidien d'un être plus jeune pour m'accomplir. Mon accomplissement, je le trouve en écrivant, en créant, en m'instruisant, en militant et en relationnant avec les autres autour de moi. Je ne ressens pas le besoin de recourir à la maternité. Au contraire, j'aurais davantage peur de m'abandonner, de devoir laisser de côté plusieurs de mes passions, de mes projets, de mes engagements. Beaucoup de personnes déclarant ne pas vouloir d'enfants sont souvent accusées d'égoïsme. Égoïsme envers qui ? Envers nos parents à qui on ne, entre guillemets, donne pas de petits-enfants ? Envers la société à qui on ne fournit pas d'autres petits bras et cerveaux travailleurs ? D'autres bouches consommatrices ? Envers l'espèce humaine parce que si les 7 milliards d'autres personnes s'abstenaient comme nous de se reproduire, on finirait par disparaître ? Envers cet enfant inexistant qui ne naîtra jamais et qui aurait pu avoir une vie merveilleuse, ou pas d'ailleurs, et apporter plein de choses positives au reste du monde, ou pas. Envers notre partenaire ou nos partenaires à qui on ne fait pas plaisir, à qui on refuserait cette formidable aventure, et notamment la possibilité pour lui, elle ou elle de se retrouver dans une mini-formule dérivée d'elle-même. Mais que dois-je vraiment à toutes ces personnes, moi ? Pourquoi est-ce que mon ventre, puis mon enfant, devrait leur appartenir ou se conformer à leurs attentes. Quand j'entends parler d'égoïsme, tout comme lorsque j'entends les expressions « donner un enfant » ou bien « avoir un enfant », je reste sceptique. Qu'est-ce que le verbe « avoir » a à faire dans l'acte de mettre au monde un nouvel individu censé développer une vie autonome de la mienne ? En quoi cet enfant appartiendrait-il à ses parents ou à qui que ce soit d'autre ? N'est-ce pas justement ce genre de projection, cette volonté de possession, de contrôle, qui entraîne le plus souvent des conflits et des déceptions entre générations? Tu es mon enfant, sous mon toit, je te dispense mon éducation. Jusqu'au jour où l'enfant en question s'arroge le droit de dire « je », de se penser en maître ou maîtresse de son propre corps, de ses choix personnels, professionnels, de ses appétences, de sa personnalité. Pourquoi alors s'entêter à vouloir avoir un ou une enfant, lorsqu'on sait que tôt ou tard, cet être nous échappera, et c'est tant mieux. Quand on interroge les gens à ce sujet, les réponses les plus fréquentes sont la volonté de transmettre quelque chose, de laisser une trace. Ainsi donc, on mettrait au monde des êtres dans toute leur complexité et confrontés à toutes les difficultés de la vie pour le simple fait de laisser une partie de nous perdurer un peu. Parfois, on entend l'argument que les enfants servent également à prendre soin de nous quand on vieillit. Quand on ne tombe pas dans l'argument purement économique et cynique de la nécessité de nouvelles générations pour assurer la viabilité de notre système de retraite. I'm still learning about life. My woman brought children for me, so I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys are with me, some are still out seeking glory, and some I had to leave behind. My brother, I'm still savvy, soon I'll be 60 years old. My daddy got 61, remember life and then your life becomes a better one. I made a man so happy when I wrote a letter once. I hope my children come and visit once or twice a month. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold? Or will I have a lot of children who can warm me? Soon I'll be 60 years old. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold? Or will I have a lot of children who can warm me? Soon Pour autant, on me maintient que c'est refuser de faire des gosses qui seraient égoïstes. Laissez-moi encore douter. Je crois que si la question est juste de léguer quelque chose, de laisser une trace, alors vous inquiétez pas, que je compte bien consacrer ma vie à continuer à créer des choses, que j'espère pouvoir vraiment être utile et belle. Je vous lègue mes écrits, mes podcasts, et toutes ces choses que je me sens pleinement apte et puissante à faire. Ces choses qui dépendent directement de mon énergie et de ma créativité, et non pas d'un autre être conscient qui en ferait une réception partielle et choisit ce qui serait évidemment son droit le plus fondamental. Puisque je sais que connaissant mes positions politiques, on m'attend au tournant des arguments écologiques, je ne nie pas qu'ils font partie de mes considérations. Mais ce n'est pas nécessairement l'axe central. En fait, je ne crois même pas qu'il y ait un axe central. Je ne ressens tout simplement pas le besoin ou l'envie d'avoir un ou une enfant. Ni de vivre l'expérience de la grossesse, ni celle de l'accouchement, ni des années qui suivent. Je vois plein d'autres choses que je pourrais réaliser et qui pourraient contribuer directement à l'amélioration du monde dans lequel je vis, et je serais infiniment plus fière que l'on me félicite pour ces réalisations-là que pour avoir accompli l'art de donner la vie. Je ne nie pas les efforts, l'abnégation de tous de celles qui s'y adonnent, mais désolé, ce n'est pas mon truc. Je ferai autre chose. Des choses qui viendront de tout mon être et dont je pourrai plus facilement prendre la responsabilité des externalités négatives. Pas besoin de me lancer dans un tas de privations de mon enfant pour l'obliger à réduire dès le plus jeune âge son impact environnemental alors même qu'il évoluera dans une société pétrie du mythe de l'abondance, constamment frustré par mes soins, un peu comme dans le film Capitaine Fantastique où malgré tous les efforts du père pour tenir ses marmots à l'abri du reste de la civilisation en se débrouillant seul dans la nature, il ne peut pas les empêcher de regarder avec envie cet autre monde et les modes de vie des autres de leur âge. Je ne veux pas qu'au nom de mes convictions, mon gosse grandisse tiraillé, malheureux ou malheureuse, au risque de m'envoyer sur les roses assez vite pour affirmer son choix de vivre comme il le veut, de consommer, polluer comme il l'entend. Je ne pourrai pas m'y opposer, parce que je respecte trop la liberté et l'individualité de chacun et chacune. Mais je me détesterai d'avoir mis au monde un ou une énième petit capitaliste alimentant à son échelle l'ensemble du système dont j'aurais passé ma vie à essayer de m'extraire. Peut-être voyez-vous là-dedans une peur de l'échec, de la perte de contrôle, de me confronter à mes propres démons. C'est incontestable. Mais cette peur n'est-elle pas normale, saine et légitime? Depuis l'autre rive, à mon tour, je suis souvent étonnée de voir les autres se lancer dans la maternité sans peur. Peut-être ont-ils un courage qui me manque. J'ai là souvent l'impression que c'est plutôt parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de laisser cette peur affleurer à la surface de leur conscience. Sûrement parce qu'ils ne se sont pas vraiment interrogés sur le fait de faire des enfants. Je dis peut-être, mais c'est en fait ce que me confirment la plupart des gens que j'interroge autour de moi, particulièrement issus des générations précédentes. On ne se demandait pas, et on se demande encore peu, pourquoi on fait des enfants. Cela pourrait être un impensé relativement anodin, tant que les personnes sont heureuses ainsi. Ouais, mais malheureusement, beaucoup ne sont pas si heureuses que ça. Quand on voit le nombre de complications et de traumas physiques et psychologiques liés à la grossesse ou à l'accouchement, dont on parle encore si peu, quand on voit les dépressions postpartum, la transmission des traumas et des conflits pas réglés de génération en génération, les disputes, les violences et les ruptures familiales, quand on constate les heures d'angoisse, le drame de la perte... Désolée, je m'emballe sûrement un peu, mais je crois qu'il y a quand même une part de vrai là-dedans. C'est notre premier. Oui, j'avais deviné. Et pour vous? 4 à la maison et 2 en route. Oh, une famille nombreuse. Vous êtes vraiment gâtés. En tout cas, je vois pas ce qu'il y a de mieux au monde que la maternité. Sans blague. Oui, bon, je sais, c'est du travail. Mais j'ai de la chance. Mon mari veut s'investir et mettre la main à la pâte. Oui, dans ses rêves. Pardon? Oh, au début, il sera là. Peut-être même qu'il changera une couche, voire deux, jusqu'au jour où il s'en lassera. Il vous promet de vous aider pour la tétée de 4 heures du matin, non? Oubliez. Oh, vous ne connaissez pas mon Johnny. Il est différent. Il a des seins, votre homme? Non. Alors, vous êtes le seul bar en ville. Ce bébé pourra s'époumoner dans un mégaphone. Votre Johnny ne sortira pas de son lit. Oh, d'accord. Merci. Encore une chose. Vous voyez ça? Faudra dire adieu au bikini aussi. Mais vous avez eu 4 enfants et vous avez la ligne? Oh, vous ne m'avez pas vue nue. Mon ventre, c'est vraiment la cata avec ses vergetures. Et mes pauvres seins ressemblent aujourd'hui à 2 ballons qu'on retrouve derrière le canapé 8 jours après la fête. Mais la plupart des femmes disent que c'est l'expérience la plus extraordinaire de leur vie. La plupart des femmes sont des menteuses. Ma mère m'a menti et la sienne lui avait menti. Et la vôtre vous ment? Chaque génération relaie ce mensonge. Elles veulent toutes devenir grand-mère, alors elles enjolivent l'histoire. Ne me parlez plus, s'il vous plaît. Oh, que si, vous devez entendre la suite, vous devez vous y préparer. Vos enfants vous détesteront, ils vous voleront de l'argent dans votre portefeuille. Votre cher mari commencera à vous acheter vos cadeaux d'anniversaire à la station-service et le coup de grâce. Jusqu'à la fin de votre vie, vous aurez beaucoup de moments où vous vous sentirez seule, alors que dans les faits, vous ne serez plus jamais seule une seconde. Je ne pouvais pas résister à partager ce petit témoignage de Lynette dans Desperate Housewives. Même si entre l'amalgame des seins au genre féminin et l'obsession pour les vergetures, on peut trouver discours féministe plus déconstruit, son laïus a le mérite de refléter le ressenti et l'amertume de beaucoup de personnes faisant l'expérience de la maternité. Bien sûr, ces mêmes personnes m'opposeraient très certainement tous les moments de bonheur que leur apporte cette situation, et loin de moi l'idée de nier leur expérience heureuse. Je dis simplement que ce bonheur maternel, qu'on nous survend partout, n'est pas dans les faits toujours aussi quotidien, immanent, durable, solide. Heureux, heureuse, et elles le sont sûrement. Cela ne veut pas dire qu'elles le sont tout le temps. Pas plus que ne le sont les enfants qu'elles mettent au monde et qui se retrouvent à affronter dans leur tête, leur vie, leur chair, toutes les questions financières, familiales, affectives, etc. que leurs parents n'ont pas vraiment réglées avant leur arrivée. Or si bien sûr tout n'est pas de toute façon forcément réglable, que certainement le moment absolument parfait pour faire des enfants n'existe pas, il reste des questions, des problèmes, qui auraient souvent pu être réglés, au moins anticipés, si tant est qu'on les avait posés, si tant est qu'on avait accepté, et puis avoir cet espace pour laisser affleurer ses peurs, les confronter, mieux les appréhender et se les réapproprier. Et s'il n'y a pas de moment parfait, il y a quand même des moments qui, à l'inverse, ne sont vraiment, vraiment pas opportuns. Quand je dis ça, loin de moi l'idée de culpabiliser ces personnes-là. Je pense que pouvoir s'interroger sur son désir ou non de maternité est un véritable privilège, qui demande une certaine stabilité financière, émotionnelle, du temps, l'accès à la contraception, tout un tas de choses. Tu as une tête de déterré, Robert. Je dors presque plus. Je gâche la vie de ma fille. Ils arrêtent pas de changer les maths. Il nous fallait des petites piles, mais j'ai acheté des grosses piles. Résultat, on n'a toujours pas de petites piles. J'ai mis un t-shirt rouge dans une machine de blanc, le linge est ressorti au rose. Il n'y a plus d'œufs dans le frigo. Élever un enfant convenablement est un acte plus qu'héroïque. L'élever convenablement. Je remercie le ciel tous les jours de m'avoir épargné cette tâche. En résumé, oui, j'aurais peur de cet être qui grandit en moi. Peur pour moi, peur des changements et des répercussions physiques. Peur que cela me freine de manière assez irrévocable dans mes projets. Peur pour lui, peur de commettre des impairs avant, pendant, après l'accouchement. Peur de le projeter dans un monde violent. Parce que oui, ce monde est violent, même si dire ça comme ça pourrait me faire passer pour une bobo fragile et cuculapraline. J'ai peur de mille et une choses. En même temps, je pense que je pourrais affronter ces peurs, que j'aurai les ressources pour apporter le meilleur à cet enfant et que lui-même soit amené à donner le meilleur de lui-même. Je suis sûre que je vivrai des moments beaux et heureux avec lui. Mais je n'ai pas envie de mettre mon temps et mon énergie à combattre ces peurs-là. Je les emploie déjà à combattre toutes mes autres peurs et à essayer de contribuer en tant qu'allié à réduire la peur des autres. La peur des catastrophes climatiques, des épidémies comme le corona, la peur de la violence policière, la peur des autoritarismes étatiques, la peur des guerres, des violences, du nucléaire. Il y a tant de peurs tout aussi fondées que j'ai choisi d'adresser. La maternité est un beau combat. Ce n'est simplement pas l'un de ceux que je choisis. Je sais que beaucoup d'autres personnes ont envie de le mener et c'est tant mieux. Et il y en a besoin sûrement. Je serai prête à me positionner en alliée de leur combat, à garder les gosses des autres besoins comme je le fais déjà, à continuer de contribuer à l'éducation des plus jeunes, car je suis convaincue justement que la maternité ne devrait plus être conçue comme une expérience intime, privée, solitaire, mais bien collective et politique, puisque c'est en grande partie par les enfants de demain que se construit le monde de demain. Extrait d'un lieu à soi de Virginia Woolf, chapitre 1er. Si seulement Mrs. Seton et sa mère, et la mère de sa mère avant elle, avaient appris le grand art de faire de l'argent, et avaient légué leur argent, comme leur père et grand-père avant eux, pour financer des fondations et des postes, et des prix et des bourses appropriés à l'usage de leur propre sexe. Nous aurions très tolérablement dîné ici, seuls, d'un oiseau et d'une bouteille de vin, sans confiance indue. Nous aurions pu attendre une agréable et honorable vie, passée à l'abri d'une des professions les plus généreusement dotées. Nous aurions exploré ou écrit, déambulé dans les vénérables lieux du monde. Nous nous serions assises en contemplation sur les marches du Parthénon, où nous nous serions rendues à 10 heures dans un bureau pour rentrer tranquillement à la maison à 4h30, écrire un peu de poésie. Seulement si Mrs. Seton et ses semblables s'étaient lancés dans les affaires à l'âge de 15 ans, il n'y aurait pas, c'était là le hic, eu de Marie. Qu'est-ce qu'elle pensait de ça, Marie ? Demandai-je. Là, entre les rideaux, était la nuit d'octobre, calme et belle, avec une ou deux étoiles prises aux arbres jaunissants. Était-elle prête à renoncer à sa part de l'ensemble et à ses souvenirs, car ils avaient été une famille heureuse bien que nombreuse, de jeux et de disputes là-haut en Écosse dont elle ne lasse pas de vanter la pureté de l'air et la qualité des gâteaux, en échange d'une dotation pour Fernheim de 10 ans, 50 000 livres et ceux d'un trait de plume? Car doter un collège nécessiterait la suppression de familles entières. Faire fortune et porter 13 enfants, aucun être humain ne pourrait y faire face. Considérons les faits, disions-nous. D'abord, il y a 9 mois avant que le bébé naisse, puis le bébé naît, puis il y a 3 ou 4 mois passés à nourrir le bébé. Après que le bébé est nourri, il y a au moins 5 bonnes années passées à jouer avec le bébé. On ne peut pas, semble-t-il, laisser les enfants divaguer dans les rues. Les gens qui les ont vus divaguer, comme des sauvages en Russie, disent que ce n'est pas un joli spectacle. Les gens disent aussi que la nature humaine prend sa fortune entre la 1ère et la 5ème année. Si Mrs. Seton, dis-je, avait fait de l'argent, quel genre de souvenirs de jeux et de disputes auriez-vous? Qu'auriez-vous su de l'Écosse et de son air pur et des gâteaux et du reste? Mais il est inutile de poser ces questions, parce que vous n'auriez pas accédé à l'existence du tout. S'il vous plaît, soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie, des oreillers d'autrefois. J'aimerais ne pas être portefeuille, s'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je ne peux plus bouger. Je vous ai porté vivant, je vous ai porté enfant. Dieu, comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour. Je vous ai porté encore à l'heure de votre mort. Je vous ai porté des fleurs, vous ai morcelé mon cœur. Quand vous jouiez à la guerre, moi je gardais la maison. J'ai usé de mes prières les barreaux de vos prisons. Quand vous mouriez sous les bombes, je vous cherchais en hurlant. Me voilà comme une tombe et tout le malheur dedans. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi, celle qui... qui parle ou qui se tait, celle qui pleure ou qui est gaie, c'est Jeanne d'Arc ou bien Margot, fille de vagues ou de ruisseaux. Et c'est mon cœur ou bien le leur, et c'est la sœur ou l'inconnue, celle qui n'est jamais venue, celle qui est venue trop tard, fille de rêve ou de hasard. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. Je ne crois pas que m'impliquer dans la transmission aux nouvelles générations appelle forcément que j'oblige mon corps à porter un enfant et le fardeau des responsabilités quotidiennes qui s'en suivront, en en faisant le centre de mes engagements quotidiens. C'est parce que j'ai accepté puis analysé ces peurs et l'ensemble du champ des possibles sur lequel elles m'amènent que je ne m'estime pas aujourd'hui égoïste de ne pas vouloir d'enfant. C'est un choix que je fais de manière responsable. Parce qu'à l'inverse, je trouverais ça irresponsable de mettre au monde un enfant sans être prête à renoncer au moins en partie à mes autres projets et combats, à le laisser par la force des choses livrer à lui-même. Et attention, encore une fois, je ne blâme pas celles qui se retrouvent dans cette situation. Ce n'est pas elles que je taxe de responsables. Ce que je blâme, c'est l'ensemble de la société, comme structure, qui continue de nous faire miroiter un reflet purement idéal et presque obligatoire de la maternité, en gardant le couvercle sur l'ensemble des difficultés et des implications qu'elle engendre. Ce que je blâme, ce sont les tabous et les mensonges, que nous sommes tous incités à garder bien enfouis, que nous transmettons de génération en génération. C'est le refus hypocrite de reconnaître nos peurs, de les laisser ne serait-ce qu'exister, toujours dans cette idée que la peur comme la colère, comme la tristesse, toutes ces émotions taxées de négatives ne seraient que paralysantes et nocives. Par peur d'avoir peur, nous nous amputons d'une partie de nous-mêmes, de nos humanités. Nous n'adressons pas les bonnes questions et ne pouvons donc pas les transcender, les dépasser, améliorer le monde, le faire évoluer. Afin de faire la transition avec le prochain épisode qui s'intéressera à celles désirant la maternité mais affrontant des obstacles et des stigmatisations variées, voici un dernier témoignage d'une personne exprimant ses questionnements sur son désir ou non-désir de maternité. À dans 2 semaines sur Abras-le-Corps. Le désir ou non d'enfant. J'ai 22 ans, vraiment d'autres chats à fouetter qu'avoir envie d'un enfant. Mais autour de moi, je vois tous les amis proches de mon copain qui est plus âgé que moi avoir des enfants, mais tous. Je lui demande si ça le dérange pas de voir que tous ses amis sont passés à la paternité et lui pas. Il me dit non, j'en ai pas envie, moi. Mais en fait, j'ai du mal à croire qu'il soit pas un peu travaillé par ça, limite complexé parce qu'il fait pas tout en même temps que tout le monde. Je trouve qu'il faut une force morale pour aller à contre-courant de la normalité. Faut être sûr de soi parce que sinon on peut se sentir mal de pas être normal. Et je pense qu'il y a des gens qui ont plus envie d'être normaux que de véritablement avoir un enfant. Et qu'ils font des enfants parce que ça leur donne le sentiment d'avoir une belle vie, d'être utile, d'être quelqu'un. Parce que quand t'as un enfant, ça remplit ta vie et de fait, tu parles que de tes enfants après. C'est le centre de ton monde. Mais c'est écrasant parce que partout dans la rue, la famille et tout, on nous vante le bonheur que c'est d'avoir un enfant. Ça me fait penser à une fois chez la voisine de ma grand-mère qui venait d'avoir un petit-fils, son premier. Elle avait invité tous les voisins à l'apéro pour la nouvelle. Bon, et ben, on avait passé 45 minutes à devoir s'extasier sur le bébé et sur un diaporama de toutes les photos de la maternité. Je trouvais ça absurde. C'était pas voulu, sans doute, mais elle nous éclaboussait avec son bonheur égoïste. Quand tu rentres à la maison, il y a les parents, les grands-parents qui disent « Ça me ferait plaisir d'avoir un petit-fils ». Et moi, j'ai évidemment envie de leur faire plaisir, pas envie de les décevoir, surtout qu'ils ne seront pas toujours là. Donc les injonctions, elles sont bien là. Il y a des gens plus ou moins sensibles à ces injonctions-là. Ce qui me dérange avec le désir d'enfant, 1. Le fait qu'on projette ce désir sur toi et que tu commences à désirer par imitation ou reproduction. 2. L'égoïsme de vouloir faire des enfants sans s'arrêter, alors qu'on sait qu'on n'est démographiquement pas responsable de le faire. Je trouve égoïste de vouloir tous se reproduire, alors qu'on est beaucoup trop nombreux et que la plupart d'entre nous est incapable de créer les conditions autonomes de leur vie. Plus assez de nourriture, les ressources s'épuisent mais on continue. Ça ressemble un peu à une fuite en avant. Mais bon, j'ai rien à proposer pour pallier à ce problème-là, parce que ça me ferait aussi chier qu'on soit tous interdits de faire des enfants au-delà d'un certain nombre. On est tous dans le même bateau. Jusque-là, j'ai utilisé « avoir un enfant » et pas « faire un enfant » à dessein. Parce que je parle de la naissance comme un phénomène social. Je me sens obligée de le rapprocher d'une dimension de paraître, de possession. Parce que, comme les biens de consommation, ça te donne une image, te fait appartenir à de nouveaux groupes. Donc je vois le fait d'avoir un enfant un peu comme consommer, comme la superficialité parfois. Oui, je pense que je voudrais avoir un enfant. Parce que j'ai très envie de connaître, vivre la maternité. Avoir une graine puis un bébé qui tète à mon sein. J'avoue que pour le moment, quand j'imagine faire un enfant, j'imagine plus la corporéité que cet événement amène, plutôt que de le voir grandir, l'éduquer. Je pense plus aux expériences corporelles, et ça me donne envie. Mais j'ai aussi peur de la dégradation de mon corps par l'arrivée d'un bébé. Je m'imagine flasque, avec des cicatrices, un bas-ventre, un entrejambe béant, pendant. Et j'en ai pas envie. Devenir mère, c'est aussi symboliquement le point de non-retour de la jeunesse. Fini la liberté. Pour moi, je dis ça aujourd'hui, mais on verra dans 10 ans, un enfant, faut bien, bien y réfléchir. Je pense à tous ces couples qui se séparent un an après la naissance d'un enfant. Ça, je veux pas faire pareil. Je fais parfois des rêves, des cauchemars de déni de grossesse. L'enfant pas prévu, quoi. Quelle angoisse! Je me dis parfois que ça devrait être autorisé de tuer un bébé issu d'un déni de grossesse. Et pourtant, je me protège vraiment pas consciencieusement. Ça, c'est parce que j'aime pas l'idée de prendre des médicaments tous les jours. S'injecter des choses qui dérèglent mon corps. Ça me fait chier d'être responsable pour deux de la protection et du coup de choper un cancer plus tard. Mais c'est vraiment un « problème de riche » entre guillemets que je soulève là avec l'inégalité homme-femme face à la contraception. Parce que nos mamies, elles nous trouvent bien chanceuses d'avoir autant de choix. À la fin de ma vie de femme fertile, si j'ai pas eu d'enfant, je suis sûre que je serai prise de regret, me disant que j'ai raté ma vie puisque c'est un peu le but de la vie de se reproduire. Me disant que j'aurais laissé aucune trace de moi. Mais en même temps, je trouve ça stupide parce que dans une vie, on peut laisser bien d'autres traces que d'avoir un enfant. Et vouloir un enfant, c'est aussi vouloir qu'on pense à toi, qu'on se rappelle de toi après ta mort, rester vivant après la mort. En fait, vouloir un enfant, ça pourrait être aussi un moyen de contrer une angoisse de la disparition. Ce qui me scandalise le plus dans la maternité-paternité, c'est l'écart de durée des congés parentaux. Comment voulez-vous parvenir à une équité, une égalité, si ces durées sont si inégales, alors qu'elles conditionnent fortement les rapports parents-enfants ? Je vivrais très mal le fait d'apprendre que je suis stérile. Je me sentirais comme une demi-femme, une coquille vide. Pour clôturer en beauté, trigger warning aux âmes sensibles vis-à-vis des nourrissons, voici la chanson « Ode à la contraception » avec le fameux « second degré » de la chanteuse Guy Edré. On peut les noyer, on peut les étouffer. Mais le meilleur moyen de les éviter, c'est de s'en protéger. Vive les capotes, vive les stérilets, vive la pilule du lendemain, vive la méthode du retrait. On peut les percer avec une aiguille à tricoter. On peut les jeter contre un mur. On peut les mettre aux ordures. Mais le meilleur moyen de les éviter, c'est de s'en protéger. Vive la fellation, vive la sodomie. Mesdames, la ménopause a ses bons côtés aussi. Il y en a qui les vendent, qui les envoient en Thaïlande. Mais même sans chercher si loin, en Belgique ils font ça très bien. On peut les empailler comme déco pour la cheminée. On peut les dépecer pour sauver les grands brûlés. Mais le meilleur moyen de les éviter, c'est de s'en protéger. Vive les capotes, vive